Some classical music. Hey, you better watch me now. It's only one time only to vote. Hey, the march of the wooden soldiers. You ever put a quarter in those machines, man? You know, like the bear that plays basketball? You put a quarter in. Some people, man, they like to go out dancing. Watch it. What about her? If you write as good as you talk, nobody reads you. it was a Volkswagen. I said, how'd you get this? I said, made it right at the kitchen. Ain't that funny? Nah, nah, nah. And there's even some evil motherfuckers. Ooh, ooh, ooh. They tell you, let's just beat at a dirt and that, aw, man. Hey, those pretty women, man, they never really faint. Those villains always, shut up, you! Like their eyes. That little bitty children, the other ones who blush. And that life. Life. It's just a dive, but I'll tell you something. Hey, man, anyone that's got a heart, rock and roll heart, quit turn around and break it, and you know, do it again, Michael. Is that control? Watch this now. And anyone who's played a part, you know, hey, hey, they would turn around and hit it, they'd say, sweet Jane. Alors bonjour à tous mes semblables, à tous mes personnages. Bonjour, moi là, comment ça va? Très bien, merci. Et vous? Ah, moi, ça ne peut pas aller mieux. Oh, pourquoi? Ben, parce que tu me l'as proposé. J'ai proposé quoi? Ben, vous m'avez proposé. Oh, vous me vous voyez? Ben, je tiens à avoir une certaine... un éloignement. Oh, pourquoi? Je crains le pire. Oh, vous aussi? Moi aussi, mon cher ami. Et vous, madame? Ah, moi, monsieur Grenier. Gagné. Oh, vous avez changé de nom pendant la semaine? Non. Ben, enfin, je demande à Rita, Rita Bibelot. Oui. Rita? Oui. Est-ce que j'ai changé de nom pendant la... Ben, voyons, pas du tout. Elle est toujours comme cela. Oh, on l'aime comme cela? On l'aime comme cela. Alors non, j'ai pas gagné, Mme Grenier. J'ai resté avec mon même nom. Bon, ben, gagné. Vous avez gagné? Mon même nom. Bon. Alors comment, tous mes personnages ont passé? Ben, pas vraiment, là, il manque un petit cube au doigt. Où est-il? Ben là, il est parti chercher trois bœufs. Trois bœufs? Oui, monsieur. OK. À quel endroit? En arrière de la centrale de police, parce qu'ils ont fait pousser des champs. Ils ont fait pousser des champs? Ah oui, oui, des beaux champs avec de la belle clôture. Moi, j'ai dit À qui? Vous avez des... Ah, j'ai des problèmes, moi, là. Monsieur est opéré. Pas vrai. Encore une fois. Bon, ça va mieux? Ça va pas mieux, j'avais rien. Oh, attendez-vous. Attendez-vous quoi? Au pire. Non, mais vous faites opérer, puis vous avez rien. Ben non, ben non. Ben, vous savez, je suis à la retraite. Oui. Alors, un moment donné, tu sais plus quoi faire. OK. Alors, ben, je me suis dit, vous allez à l'hôpital. Oui, à l'hôpital. Et à l'hôpital, ben là, je suis allé voir la petite gardienne. Gardienne? Ben oui, la madame en blanche. Ah, non, c'est pas une gardienne, ça. Non, ça, on appelle ça une infirmière. Ben, j'ai rencontré la gardienne infirmière. Non, c'est pas une gardienne, c'est une infirmière. Mais en tout cas, la dame en blanche. OK. Parce que si vous auriez rencontré la dame en noir, elle se serait mise à chanter et à danser. Non, ça, c'est la dame en brune. Mais non, la dame en brune, c'est Barbara. La dame en noir, c'est l'autre. La petite Edith Paf. Oh mon Dieu, elle a tombé sur scène. Ben oui. Ces deux-là, son surnom, Edith Paf. Attends. Edith Paf. En plein sur la scène. Ah, celle-là, ça tournait. Elle était couchée. Et là, les musiciens, ils savaient pas quoi faire. Ils enchaînaient sur... là, on essayait de l'attraper avec la canne pour la tirer de la scène. Ben voyons, ben oui! Elle était complètement paf au sol. Oh! Ah ouais, oui, la gardienne en blanche. Oui, OK. Alors, il faut en venir à ça. Ben oui, ben oui. Puis là, c'est pas très bien, M. Gagné, de chiquer de la gomme. Non, non, oui, c'est vrai. Vous savez, monsieur, votre observation est tout à fait exacte. Donc, je prends... je vais vous dire... Je vais en faire une boule avant, si ça vous en roule. Parlez entre vous et je vais faire une petite boule. Pas une petite boule, en fait, comme en art dramatique. On essaie de recréer là, des fleurs. Non, non, attendez. Non, mais c'est parce que avant l'émission, je veux me mettre la bouche en incitation narrative. Hein. Je veux qu'elle articule très bien pour que les gens comprennent mieux. Mais personne ne comprend depuis 7 ans, monsieur. 17 ans? 7 ans! Ben, déjà là, j'ai même pas compris. Hey, saviez-vous que c'est la première et la seule émission sous-titrée en bas de votre radio? Ben voyons, j'ai pas acheté ça, moi, le sous-titrage. Mais non, ça vient directement avec votre audio. Si vous synthonisez 89.1 sur cette bande, oui, vous allez voir une bande de malades, oui. Et le premier malade, c'est Réal Gagné, hein? Et vous allez voir, c'est KRL. Et le seul malade, c'est tous les autres sont sains d'esprit, tout à fait resplendissants, fleurissants, intellectuellement brillants. Et puis là, il y a l'autre, là, le mouton noir, dans une biche m'embelle, prit le sol pour s'arracher vers le ciel. Elle prit le sol pour s'arracher vers le ciel, dit-il en bavant. Les gens l'ont pas su qu'il y avait une coliche. Hey, là, il faudrait que je fasse attention là, avec les années. On dirait que ça vient tout seul, moi, là. Les érables coulent sans que je le veuille. Je le veuille, sans que je le veuille. Hey, même ma langue française, madame, s'éternise. Vers le bas. Elle n'est plus underground, elle est grandement atteinte. Et lorsqu'elle est grandement atteinte, elle risque de chavirer. Et quand la langue chavire, elle atteint des summums d'effets ridicules, d'effets non désirés. En fait, l'être que j'étais, jeune adulte, étudiant espiègle, chassant le papillon sur le boulevard Henri Bourassa. Mais vraiment, il était un malade. Non, non, non, il y avait des petits papillons imaginaires. Ben oui, imaginaires, c'était pas des vrais. Non, non. Hey, wow, je veux vous excuser, s'il vous plaît. C'est pas parce que les autres ne les voient pas qu'ils n'existent pas. Si, dans ma tête à moi, ils sont autour de moi, et me voilà. Ils font partie de ma réalité. Donc, ma réalité, c'est pas toujours votre réalité. Ça, c'est important à dire, madame, pour la prescription là, qui va suivre. Là. Alors, ça fait 3 ans que je rencontre un psychiatre. Ah, j'ai dit, vas-tu me la doser, la pilule? Mais la pilule, moi, j'aimerais avoir la verte. Mais au début, là, la rouge puis la bleue, parce que c'est les mêmes couleurs pour mon branchement audio. Hein. La rouge puis la bleue, c'est très parce que c'est droite-gauche. Je dirais que ça soit équilibré. Parce que l'hémisphère droite de ma personnalité croise avec la gauche. Puis là, elle va... Bien, toujours, excusez-moi, je parle de direction régulièrement à mon émission, mais j'aime bien lorsqu'elle se colle, elle embrasse, elle suce, elle arrive à retirer... Tout ce qui est vers la droite, parce que j'aimerais que cela devienne un raisin sec. Et ça, autant dans mon cerveau que dans la société. Que la droite devienne un raisin sec. Même si tu l'arroses pendant 10 semaines, t'es là devant ton petit raisin sec. Ah ouais, la droite, ah ouais, vas-y. Voyons, ça pousse pas. J'ai une tendinite, voyons. Comment ça, ça va pas pousser? Il y a le soleil, il y a tout ce qui est prêt pour faire rayonner un grain. Je suis à un brin d'abandonner mon grain. Je suis à un brin de ne plus croire à ce grain. Je suis à un brin de brandir la défaite. Et comme, Monsieur le Président, Madame la belle région de Québec. Et vous, chers citoyens et citoyennes, je veux je demande, quand c'est des mots difficiles, écrivez-le sur le tableau. Solalement. Il y a mis trois L à solalement. Comment vont mes personnages? Aide-moi. Pardon? Attendez, enlève l'écho. Qu'est-ce que tu veux, toi? Aide-moi. Aide-moi? Aide-moi. Ah, et puis moi. Articule. OK, vas-y, redis-le, on te laisse une chance. Puis moi? Je connais des pumas. Je connais des pubères. Des pubertes, elle va très bien. Elle m'a concocté il y a trois jours, Monsieur le Président, une délicieuse. Et là, je tiens à la remercier, à l'embrasser partout. Un ragoût à la sauce brun, mijoté pendant 3 heures et demie avec de l'amour. Elle entourait sa marmite. Elle l'embrassait. Ses lèvres ont resté collées depuis ce temps-là. Oui, madame, merci de m'avoir fait si bon repas. Même s'il ne reste plus de lèvres, même plus à m'embrasser. Oh mon Dieu. Vous êtes une sainte femme. Merci beaucoup, M. Royer. Qu'est-ce que vous feriez pas pour mon munition, hein? Vous aimez ça, Hérance Rénadial? Bon, c'est dommage, j'avais prévu une rencontre radiophonique avec vous. Oh non! Mais là, quand vous avez plus de lèvres. Oui, on va dormir. Bon. La semaine prochaine. Bon, mais tu m'as dit que t'allais voir trois semaines. Comment? Mais mon ami, je devais être voir 3 semaines. Votre médecin a dit que ça allait prendre 3 semaines. 3 semaines? Oh non, j'ai un autre invité de prévu dans 3 semaines. Johnny Golibay. Ah, pas Johnny Golibay? Ben oui, le chanteur, là. Ah, c'est. Ouais. Mais pour qu'il soit ici, on lui a fait brandir une bouteille d'un gagnac. Elle lui dit, moi, puis le gagnac, là. Puis s'il vient pas, on va le gagner avec le gagnac. On a acheté ça 350$. Ça a vieilli 18 ans, ce gagnac-là. J'espère que ce macaque-là va dire oui, là. Puis ils viendront te faire 2-3 chansons à la fin de la bouteille, là. On va boire les portes comme d'habitude. On fait ça pour nous inviter lorsqu'on va à Paris. Imaginez-vous que... Attendez, madame, merci de monter le son. Imaginez-vous que lorsqu'on amène en rencontre radiophonique nos artistes, nos performeurs, nos comédiennes, nos comédiens, nos créatrices, nos créateurs... Bien sûr, nous sommes sur une terrasse à l'extérieur, à Paris, bien certainement. Et puis, nous demandons à des policiers de faire un quadrilatère pour empêcher l'artiste de sortir. Parce qu'en voyant, bien sûr, les rares Rénaldiens, ils courent partout. Puis là, les policiers, putain, restez. L'artiste a peur, là il est flingue, puis couchez-vous! On fait des rencontres, des fois couchées. Oh, trois actrices qui ont fait ça coucher. On n'a pas de vidéo. On n'a pas de photo. Mais on a des bandes audio. Oh, ça a inspiré M. Gaze. Ouais, je t'aime moi non plus. C'est grâce à mes émissions Hérance Rénaldienne. Je peux pas nommer les trois actrices là, parce qu'elles reviendront contre moi et elles vont revenir. Puis s'ils reviennent, ben elles risquent encore de trouver ça extraordinaire. Hein? Oui, c'est moi qui le dis, là. Là, elles sont en soins, en santé mentale. M'entendent-elles? Non, monsieur, ils ne t'entendent pas. Bon, OK. OK, là, le combat des expressions urbaines. Hey, chez nous, là, au Québec, là, c'est dans le fond. Je vous en ai déjà parlé. Ah, dans le fond, là, c'est pas compliqué, là. Non, dans le fond, tu continues tout droit, là, puis dans le fond, tu tombes pas dans le fond, là. Non, tu tournes à gauche. Dans le fond, c'est là. Mais dans le fond, c'est... Hey, veux-tu arrêter avec le « dans le fond »? Enlève-toi dans le fond puis monte dans le haut. C'est pas mieux là-bas, là. De l'autre côté de la mer, là. Hey, eux, là, c'est... Du coup... Ah, j'ai rencontré Renald, du coup, c'était complètement naze. Du coup, j'ai complètement regretté. Du coup, j'ai commencé à habiter. Du coup, j'ai pris du coup, et... Je me ne rappelle plus de rien. Du coup, les ambulanciers m'ont rapporté. Du coup, je l'ai actionné. Du coup, il a pris les jambes à son cou. Du coup, C'était nerveux, ça, là. Quand ils n'ont pas de vocabulaire, c'est du coup ou c'est dans le fond. Du coup, dans le fond. Du coup, dans le fond. Moi, j'ai inventé une danse, Madame Tremblay. S'il vous plaît, tassez les chaises de cuisine. Enlevez la table du salon. Mettez-le dans la cuisine. La table du salon dans la cuisine. Hey, vous êtes mêlés, hein? Ça sert à quoi, une table de cuisine? Pour aller dans le salon. Même chez nous, là, la table de cuisine est dans le salon. Moi, je vais placer ma télévision là, dans ma cuisine. Puis mon poêle, frigo poêle dans le salon. Et tout le monde il rentre chez nous. Il pénètre dans mon établissement qui se veut mon chez-moi personnel. Ben, hey, qu'est-ce que c'est? Hey, tout est au plafond. Les chaises au plafond. Ben oui, il faut grimper, mon Jean-Marc. Pas cette heure-là, on n'a rien. Non, grimper. Je suis pas capable. À mon ordre. Ah ouais, pas l'hélium. Suzanne, gonfle à l'hélium. Mais par où on rentre ça? Ah ouais, trop de pète. Ah ouais, rentre ça dans trop de pète. Trop de pète. Ah, mais non, t'es tellement malade. Des soirées extraordinaires qu'on passe ensemble. Il n'y a plus personne qui veut venir à la maison, tant mieux. Ça me fait plus de bouffe, plus de vin rouge, plus d'amitié à me donner à moi-même, redonner. Il y a également des baisers que je dois... Moto offrir. Ah, mon Dieu! Ah, oh, monsieur le président. Hey, ça c'est ta moto. C'est quoi, ça? Des écouteurs de seconde main, là? Ça va l'air. Monsieur le président. C'est ça, c'est quand c'est dans les bars. Comment ça, monsieur? Mais on n'a pas de haute. Monsieur le président. Monsieur les patrons catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement francophone. Bien, monsieur, la claquette ne voit pas. Hey, monsieur Bertolo. Les gens ne veulent plus rien savoir du tout. Aujourd'hui, le vendredi 15 mars 2013, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour du chanteur Bertrand Burgala. Mais en fait, c'est un artiste multidisciplinaire, car Bertrand Burgala est un producteur, musicien, compositeur et chanteur français né à Bastia le 19 juillet. Fils de haut fonctionnaire, son père exerçait au moment de sa naissance la fonction de sous-préfet en Haute-Corse. Bertrand Burgala est élevé, selon ses propres termes, dans des palais. Durant sa scolarité, il découvre le rock et décide de faire carrière dans la musique. Musicien et producteur, Bertrand Burgala a travaillé sur plus de 500 albums. En juillet 2012, Errance Rénaldienne était là. Qui? On est là, mais on n'était pas tout à fait là. Oui, tout est installé. Il faut que je vous raconte ce qui s'est passé. Tout est installé. La tape était mise. La tape pépémise. T'étais pépé, ça t'a la vie. Maman était venue où M. Burgala devait faire son entrée. Le clarignotiste était clarignoté, puis le pianiste était pianoté, et l'autre était bouchonné. Oui, ça, c'est le sommelier. On était prêts, là. Et on a dit, l'artiste arrive, là, préparez-vous, préparez le bouchon, putain! Et c'était du gros champagne, là. Hein? De la veuve Cliquot. Oh! On a le budget ici, là. Fait que là, l'autre avait de la misère à débouchonner parce qu'il avait déjà goûté 3-4 veuves Cliquot. Vous l'êtes certain, lui, là. Je crois que votre veuve Plito est complètement débouchonnée. Ouais, mais là, comment ça va vous coûter, ça, là? On est rendu à 350 €. Êtes-vous malade? C'est mon budget pour toutes les rencontres. On va annuler tous les autres projets, M. Grenier, mais il va boire du très bon champagne. Ouais, mais vous n'êtes pas français. Oui, au début, je suis français, moi. Là. Mais plus je tombe dans la veuve et plus je deviens québécois. C'est un charlatan. Non, je suis Tremblay. Je suis né Tremblay. Je resterai Tremblay. Lorsque le tremblement de terre arrivera, je changerai peut-être. Eh, monsieur, je changerai peut-être. Si loufois d'animal est terré sans le principal. Mais M. Tremblay n'est pas débouchonneux pour rien. C'est là sa grande qualité. Que faisiez-vous, monsieur le bouchonneux? Oh mon Dieu, je débouchonnais. Je rembouchonnais, je capuchonnais, je léchais les capuchons, je léchais les capuchines. Et à un moment donné, dans les glycines, j'ai vu mon ami Serre. Oh mon Dieu, qui l'a mort? Et puis donc, on attendait l'artiste. Bertrand est arrivé. Dandiste. Prêt à tout. Avec comme musique de fond. Protégés dans l'égale lumière, au milieu de collines, remodelées par l'homme. Et le train vient d'atteindre sa vitesse de croisière. Nous roulons dans le calme, dans un wagon Alstom. Dans la géométrie des parcelles de la Terre, nous roulons protégés par les cristaux liquides, par les cloisons parfaites, par le mal, le vert. Nous roulons lentement et nous rêvons du vide. Ses ennuis, à chacun ses affaires, une respiration dense et demi-sociale traverse le wagon, certains voisins se flairent. Ils semblent écartelés par leur part animale. Nous roulons protégés au milieu de la terre, et nos corps se resserrent dans les coquilles du vide. Au milieu du voyage, nos corps sont solidaires. Je veux me rapprocher de ta partie humide. Des immeubles et des gens. Dans le calme apaisant d'usine célibataire.

Sais-tu que la musique, sais-tu? Sais-tu qu'un salaud a bu l'eau du nénuphar? L'honneur, tu l'as perdu sur ce lit de bataille. Soigne les hommes à poigne, soulage la pâtissière. Je sais plus qui tu es, qui a commencé. Quelle est la mission? Soldats sans joie, va déguerpir. L'amour t'a faussé compagnie. L'amour t'a faussé compagnie. L'amour t'a faussé compagnie. Mais non, merci. J'ai très gentil, monsieur. Ça me sort de mes rêveries. Tu es la femme de ma vie. Toi qui cherches loulou. Loulou? Loulou, loulou. C'était une fille de paille, loulou. Quand elle venait grivoise, loulou, loulou, c'était plus que toutou, loulou, toulou, loulou, loulou, loulou, loulou. La dernière note était tout à fait héréditaire au niveau de mon tympan cérébral. Oh! Qu'est-ce que ça voulait dire? Ben, on m'avait déjà averti. Lorsque la note suprême arrivera, oreille saignera. Et? Oreille saignie, saignie, saignue, saignue, saigna, saigna, a saigni, a saigni, a saigni, a oui, a saigni, a oui, a saigni, a oui, a saigni, a oui, a saigni, a oui, a oui, a oui, a oui, a oui, a oui, a oui, a oui, a oui, a oui, a oui, a oui, a oui, a oui, a oui, a oui, a oui, a oui. Oui, oui, oui, oui, oui, on continue, on continue. D'accord. Fâchez-vous pas, monsieur. Le coco. Un autre coco. On avait besoin de coordinateur, mais pas un coordinateur coco. Coco, coco. OK, voici mon coco. Ça fait carrière dans la radio, ces cocos-là. Attention, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. À quoi bon? Hey, t'en as passé une bonne, hein? Merci, monsieur. Vous l'avez senti? Oh, vous l'avez senti juste en dessous de la ceinture, là. Wouhou! Ça gligolette, gligolette. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? C'est fait depuis déjà 52 minutes. Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Vous l'attendiez depuis tant de temps! En fait, depuis quand, madame? Belle comparaison. On n'a rien comparé avec... non. Votre tirade n'a pas sa place ici maintenant. J'aimerais bien que vous vous retourniez, excusez-moi, Ça, c'est Tournier ou Fournier? C'est Fournier, Tournier, l'Olympe du Pacifique. Non, ça, c'est du Duras. C'est qui Tournier? C'est le vendredi, le samedi puis le dimanche, on est fermé. Nous ouvrirons sous peu lorsque le soleil ne se plombera plus sur nos têtes et que chaleur ne goulineront pas sur nos visages. Oh, c'est du cocu. Oh, on aime ça le cocu, non? On en connaît du cocu. On peut nommer des gens qui se sont fait cocufier depuis 2013. Ça fait juste de janvier, février, mars. Ça fait 3 mois. Nous avons une liste de 350 000 cocus. Alors, en haut de la liste, on commence par A. Alfred Bering, qui habite en Angleterre, le premier cocu de 2013, le 1er janvier. Sa charmante épouse Gloria Bering a rencontré Mary Poppins. Elle a décidé de s'envoler avec elle. Elle s'est dit « Je ne suis plus hétérosexuel, je suis bisexuel. » Eh bien voilà, c'est une révélation. Là ici, et Mary Poppins avec son... c'est son chapeau volant? Non, c'est son parapluie. Mais là, avancez-vous là. Montez le son parce que je peux pas dire ça trop fort. On ne sait pas si Mary Poppins veut bien y avoir mademoiselle avec elle. L'histoire ne le dit pas. On ne connaît pas la suite. Mais Errance Reynaldienne se rendra à l'information. Nous vous divulguerons le tout la semaine prochaine. C'est pas vrai. C'est vrai, c'est pas vrai. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. On s'en souviendra même plus. Laissons le sujet. Arrêtez-vous donc, là. Soyez tranquille. Nez à terre, langue à terre. Lavez-moi le plancher. Pas de torchon, juste la langue. C'est un méchant torchon, hein? Ça en dit-tu des vulgarités? Ah ouais, continue. Même la mousse. Mousse. Non, ça, c'est mon chien, mousse. J'ai pris, moi, à poil bas, à poil ras, pour qu'il puisse tout nettoyer mon chien, moi, sans le savoir. Oh, c'est propre depuis quelque temps. Oh, le chien se promène partout. Mousse. Je dis, viens-t'en, mousse. Yeah. Ça me sert de vadrouille. Mousse. Il est allergique à la poussière. Il fait « mousse-mousse ». Là, tu sais où ce qu'il est parce qu'il est éternu au corps de tour. Là, ça commence. C'est pas l'animalerie. C'est, voyons, le gars qui s'occupe. Non, c'est une fille. C'est vrai, c'est pas un gars, c'est une fille. La fille qui s'occupe de lui, là, la vétérinaire, elle m'a dit « Ouais, ça risque de lui tomber dans les bronches. Ah, mon Dieu. Puis ensuite, il est tombé dans les poumons. Ah, puis tomber dans... faire des moutons au cœur. Oh non! Il est de mourir! Oh oui, oh non! Laissons-le suggérer une improvisation à partir de la... Alors donc, on va le coupler. S'il meurt, ça va faire plein de mousse qui vont faire de la mousse et qui vont ramasser de la mousse. Hey, la SPCA va venir te voir, toi là. Qu'est-ce que tu fais avec tes chats? C'est pas un chat, c'est un chien. Avec tes chiens, ben j'ai fait le mousse, ben oui. Pas normal, ça là. Y'a rien de normal ici, là. J'ai jamais dit, Mme Tremblay, que mon existence était normative. j'ai jamais dit non plus que l'animateur est un être normal. Comment ça, je prends une voix de même? Parce que je vais pleurer dans les secondes qui suivent. Et si je compare... Belle comparaison. Attendez, je n'ai pas encore comparé. Si je... Il est prêt, lui, hein? La seule tirade au théâtre, c'est ça, lui. Belle comparaison. Il va faire une grande carrière, là. Dans tous les films, vous allez le voir sortir de nulle part en disant... Belle comparaison. Faites attention. Dans les films suisses, belges, français, québécois... Belle comparaison. Et là, derrière les... Les quoi? Les couvertures? Non, derrière les scènes pour les initiés. Hors-champ. Oh, hors-champ! J'ai planté hors-champ au creux de mon champ. C'est impossible. Oui, non, excusez-moi, c'est possible. Mais personne ne va le voir. Pourquoi? Ben, parce qu'il est hors-champ. Ah, c'est pour ça. Ben oui, voyons. Ouvrons un petit coin de bord à mon ami Bukowski. Il frappe sous la table. Il a bien hâte d'en sortir. Je suis comme le magicien Buzz. Je peux faire apparaître n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment, n'importe tout. N'importe tout, n'importe tout, les tout, tous les gros, tous les tout, tous les tout, tous les tout, tous les tout, tous les tout, tous les tout, tous les tout, tous les tout, tous les tout, tous les tout, tous les tout, tous les tout, oh, hein, on sentait arriver qui? Frankenspan! Oh, le grand Frankenspan! Qu'est-ce qu'il fait, Frankenspan? Il fait rien. Il attend son tour derrière le comptoir. Il veut juste qu'on le nomme. On le nomme comment? Frankenspan! OK, arrête le Frankenspan! Public, excusez-moi, je ne sais pas ce que je fais. Alors, laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase. Vous connaissez l'affaire, bon. Qu'est-ce que c'est l'affaire? Ben, c'est l'affaire. Elle est où l'affaire? Elle est dans l'affaire. On va brasser l'affaire, là. C'est toute une affaire. J'espère qu'on fera pas une affaire diabolique. On va arrêter de brasser. Puis ça peut être redondant. La semaine dernière, je l'ai peut-être sorti. Puis en fait, je la sors trop souvent. Quoi? La même phrase. Oh mon Dieu, j'ai peur. Oui. Allez-y, monsieur. Belle comparaison. Merci. Alors, le titre, c'est... Oh non, c'est rare que je ne l'ai pas fait, ça. C'est rare que je l'ai pas fait. Mais c'est rare que je ne l'ai point hein, fait. J'ai fait c'est mieux. C'est rare que je l'ai pas. Tu vois, mais quand je me dérume, là, c'est pour que mon cerveau se mette en fonction, que les rouages roulent. Et puis, ça roule pas. Il n'y a pas de rouage. C'est dommage. Ça fait des bonnes émissions. Oui, c'est vrai. Alors, le titre, c'est « Le zoo libéré ». Et moi, j'étais dompteur de cage. Les lions me regardaient aller. « Eh, voici, voici! » Parce que moi, mes lions, on me parle. « Ah oui, voici, voici! » Avec mon fouet. Sur les cages. « Tranquille, vous autres, attaquez pas les lions! » Les lions me disent, toi, t'es un gars civilisé. Toi, t'es pas un sauvage. « Pas sauvage, moi, là, mes beaux lions. Là, la grosse crinière des lions. Ouais, tu frottes ça, là. » Il me dit, ah oui, vas-y, vas-y, dompte-moi la cage. Ah oui, vas-y ta cage, vas-y, vas-y, les barreaux, hein. Il n'y a rien de plus insignifiant et sauvage. Et même sauvage, excusez-moi pour tous les sauvages, parce que c'est un mot qui a été galvaudé. Mais plus indiscipliné. Voilà, indiscipliné, ça va dans tout, ça. Je ne serais pas actionné, je ne recevrais pas des courriels à rénalquebec@commercial.com en me disant, Rénal! J'aime pas vraiment certains mots que tu utilises dans ton émission, puisque ça rend certains groupes et regroupements humanitaires dans une situation très fâcheuse. Oh, excusez-moi, madame. Non, je suis monsieur. Excusez-moi, monsieur. Je suis une madame. Excusez-moi, madame. Mais je suis un monsieur. Hey, monsieur, madame, merci, bonsoir, à la prochaine. Alors, c'est ça. Pour dompter une cage, il faut premièrement avoir une cage. Pas de cage, pas de... Hein? T'es pas capable, hein? Fait que commencer, moi, je vous conseille fortement, là, si vous avez un hamster, sortez le hamster puis domptez la cage. Ah, avec un fouet, si vous n'en avez pas, prenez un cure-dent avec une soie dentaire. Ça va vraiment être... C'est très relax au début, là. Puis, pour voir si ça fait mal, essayez ça sur votre épouse. Là, à un moment donné, elle va aimer ça. Flagelle-moi! Ouais, mais j'ai un cure-dent puis la soie dentaire. Ah, ben là, prends le cuir! Le cuir? Quel cuir? Le cuir de ta ceinture? Ben, t'es-tu une malade, toi? Je veux pas te blesser, tu vas revenir contre moi. Tu vas aller à SPCA. Ben non, c'est les animaux. Ben, tu vas aller à DPJ. Ben, c'est les enfants. Tu vas aller chez le bonhomme. 7h, 7h30, 8h moins quart, 4h. Il est quelle heure, là? Il est minuit. Il est 1h. Une heure et une, c'est l'heure colonelle où le poulet descendit au bout de mes doigts. C'est huileux, hein? C'est dégueulasse. Pour m'allécher la cage, la cage, ouais, c'est encore la cage. Ben oui, on va la dompter, sa cage-là. Tranquille, toi, là. Si je te vois bouger, là, je vais t'envoyer les lions, qui sont tellement pas dangereux. Oh, c'est des toutous, des toutous. Ça, c'est le lion, ça. C'est mes lions à moi. T'es-tu certain? On dirait que t'as avalé quelque chose, t'essaies de... Mais non, c'est lion. Mais monsieur, ça va bien, les lions? Attendez, monsieur, merci. Ça, c'est... Oui, c'est ma tête. Le titre,

positive vibes in me. What a stunner on a run-a-fast circuit Grand Prix. I could have sworn, insisted on it, must have been a bad dream. Left my bedroom window open, she's the girl I'll never leave. I love my Saturday nights. It's late Saturday night. I've just met you. I love your actions. Love the satisfactions. Sur la lande, à l'endroit où nous s'était pris, les gens sont des légendes, mais leurs âmes prennent le maquis. Dans des herbes folles, tu peux courir, c'est pas un jeu. Thank you. Les personnages de l'errance indienne sont demandés dans le cerveau de Renald Gagné. Merci beaucoup. Nous vous attendons. On les attend. Ouais, merci. C'est quoi, c'est pas du champagne, ça? C'est une boisson énergisante, oh, monsieur. Est-ce qu'on peut rappeler, s'il vous plaît, les... s'il vous plaît, merci. Les personnages de l'errance indienne sont demandés dans le cerveau de Renald Gagné. Merci beaucoup. Nous vous attendons. Il fait froid aujourd'hui. Hey. Moins 7. J'avais que le mois de janvier. Hey. Est-ce que tu remarques? Tu remarques la différence? Hein? Ah, c'est une bonne émission depuis le début. Hey, merveilleux. Renal s'est envolé un moment. Hey, ça, c'est grâce à Ticu Baudouin. Ce qu'ils sont passés, ça repasse l'annonce. Les personnages de l'errance indienne sont demandés dans le cerveau de Renal Gagné. Merci beaucoup. Nous vous attendons. Oui, il y a une précipitation maintenant. Oh, allô, allô, allô, allô, allô, allô. C'est quoi ça? C'est l'état mental qui va. Allô, allô, allô. Ça sonne. Tout le monde est là. On continue. Et le spectacle continue. Il y en a trop. Quoi du personnage? Le personnage. Cette semaine, et ça, les gens ont peur. Suzy, Mélanie, Victoria, qui? Victoria V, Vitavidi, Vitavi, Vitavitere. En tout cas, elle a peur, elle se recule aussi de sa radio. C'est pas une bonne habitude à prendre. La meilleure façon d'écouter l'errance rénaldienne, c'est dans toutes les circonstances, mais le son, je le dis souvent, je le sais, le son au maximum pour ne pas perdre aucun postillon. Oh, c'est important, ça, se faire mouiller. Il faut se mouiller dans notre société. Il ne faut pas avoir peur de se tremper le toupet dans la bave. Oh mon Dieu, oh c'est... Arrête de baver le baveux, puis continue ton émission. Merci. Tout le monde est là. Monsieur. Tout le monde est là. Oui, c'est fermé, là. On a barré ça. Tout le monde est là. Ça tourne. Il y en a trop. Ah, c'est pêle-mêle en haut, là. J'ai demandé dans le grenier, ouvre pas trop la lumière, ça les excite. Excite, c'est dehors, ça. Il s'amène le ménage, puis il fait le ménage. Arrête le ménage, il y a le chien qui passe, là. Le chien de tantôt. C'est le chien de tantôt, ça, tout le temps. Moi, j'ai demandé, arrête de demander, puis il reçoit. Oh, c'est beau, ça. Parce que mieux vaut recevoir que de demander. Car demander est un peu recevoir. Puisque si t'as demandé et t'as pas reçu, t'as pas été entendu. Si t'as pas été entendu, parce que personne n'est là pour capter le son de ta voix. Puis si t'as pas de voix, ben je te conseille d'aller voir Dr. Tremblay, qui est un otorhino-laryngologiste. Ton problème est au niveau du larynx. Larynx. Vous lui direz ça, madame. Larynx. Avec autant d'expressions. Larynx. Vous direz que vous avez étudié en art dramatique à l'émission de Rénal Soulier. Larynx. Non, c'est Bertrand Soulier. Cette semaine et ça jusqu'à... C'est un chanteur. On va l'entendre dans quelques mois. Cette semaine et ça jusqu'au pissement du concept. C'est pas une blague. Nous mancherons, squeezerons, éplucherons des abirons, poursuivons, élèverons à prendre un mot celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de... Oui, monsieur. Fissure, embouchure, angle. Hey, j'ai eu un blanc. Moi, lorsque ma toile est blanche, je garoche du verbe garocher des couleurs. Normalement, moi, c'est prismacolore. Non, c'est arc-en-ciel. Faut faire attention, là. Bien beau tirer, mais il faut recevoir. Si vous êtes incapable de recevoir, votre œuvre ne sera pas complète. Parce qu'à travers tout ça, là, il y a la vibration du créateur. Il faut être en interrelation avec tout ce qui nous entoure. Là. Lorsque tu tournes la poignée de porte pour ouvrir ton studio de peinture, là, quand tu ouvres tes bouchons, tu dis, ça va faire quelque chose. Là, tu es prêt sur tes crèmes colorées. Tu étales avec tes doigts. Tu dis, oh, je suis un créateur, je suis un créateur, je suis un créateur. Je suis un crétin, créateur, crétin. Les gens jetteront jamais ça. Ah, c'est pas ça. Ils vont trouver des choses à dire à travers vos créations qui sont pour vous encore obscures. Ils vous révéleront. En bandeau. Ils vous diront qui vous êtes. En bandeau. Ils vous amèneront vers des chantiers que vous ne saurez jamais apprécier. Oh, c'est vrai, je m'apprécie jamais, moi. Fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, passons garde à vue le mot, le verbe spectacle. Au monde où nous sommes dans une société spectacle. L'homme qui a amené ça comme propos, comme concept, s'est même suicidé. Quand même assez dramatique, ça, là. Le gars tire dans sa propre barque. Il est dans l'eau, là, dans une mer de création. Là, il dit, là, tout ce qui nous entoure, tout ce qui peut amener l'événement deviendra un jour une société spectacle. Nous sommes d'une société spectacle. Nous sommes abreuvés, nous sommes à l'attente, nous sommes des êtres en veille. En veille, et là, je disais, en veille et contre tous. Ah, non. Nous sommes quoi? Nous, ben, je vais vous le dire, calmez-vous, vous, là. Prenez une grande respiration par le nez. Sortez ça par la bouche. Bon, ça fait du bien? Pas du tout. Bon, OK, aucun problème. Mais dites-vous que tout ce qui se passe dans notre société peut devenir un spectacle. Hey! Votre poisson rouge meurt. Si le journaliste médiocre s'y intéresse, ça deviendra un spectacle dans les journaux, dans le torchon de Québec, car nous avons un torchon à Québec, le torchon de Québec. On parlera de vous sur la première page. Le poisson, votre poisson vous a sauvé la vie. Vous étiez dans une noyade sans issue. Et qui vous leva la tête? Qui qui vous l'a levé? C'est... Quel animal vous a... Je sais pas, moi, c'est le poisson. C'est le poisson qui? Le poisson rouge. Ben, voyons donc, toi. Ben ouais, c'est écrit dans le scénario. OK. Mais c'est pas de jazz, là. C'est une petite affaire de rien. C'est un mené. Ben oui, amener. Le mené m'a amené à la vie. Non, vous a ramené. OK, attention, je reprends. Le mené m'a ramené à la vie. Ben voilà. Puis le ramoneur m'a enfoncé dans la cheminée. Avec qui? Avec le père. Oh! Priez pour le père. Le père qui? Le père. Allez ici! Non. Sans quoi? Ça a l'air bizarre, ton affaire. Non, le père. Le père quoi? Vas-y, témoigne. Je témoigne. Ça en prend deux. Deux. Pour en faire une paire. Oh! C'est ton gag. Oh, je l'ai travaillé. Ça s'est-tu ressenti? Ça, l'as-tu senti? Et ça, oui, exactement. C'est la sueur, ça. Faut pas suer. Faut que tout ça paraisse éloquent, intelligent et invraisemblable. Comme l'émission. To touch.

aus Eldorado und das ist dein Heimatort. Warte an der Küste, such am Horizont, bis endlich ich sehe deine Segel. Doch der Captain ist betrunken und meistens unter Deck. Im Traum das Schiff nicht steuern, eine Klippe schlägt es leck. Im Nordmeer ist es dann gesunken, ein Eisberg treibt mich weg. Ich glaub, ich werde lange warten und bleibt unentdeckt. Wir haben uns im Traum verpasst. Du träumst mich, ich dich, keine Angst, ich weck dich nicht. Bevor du mich von selbst erwachst. Du träumst mich, ich dich, keine Angst, ich finde dich. Am Halbschlafbettchen pack ich dich und zieh dich zu mir. Denn du träumst mich, ich dich, ich träum dich, du mich. Wir träumen uns beide wach. Il m'a fallu faucher les blés, apprendre à manier la fourche, pour retrouver le vrai, faire table rase du passé. La discorde qu'on a semée à la surface des regrets n'a pas pris. Le souffle coupé, la gorge irritée, je m'époumonais sans broncher. Angora, montre-moi d'où vient la vie, où vont les vaisseaux maudits. Angora, sois la soie, sois encore à moi. Les pluies acides décharnent les sapins. J'y peux rien, j'y peux rien. Coule la résine, s'agglutine le venin. Je crains plus la mandragore, je crains plus mon destin. Je crains plus rien. Le souffle coupé, la gorge irritée, je m'époumonais sans broncher. Angora, montre-moi d'où vient la vie, où vont les vaisseaux maudits. Angora, sois la soie, sois encore à moi. Je rêve encore